Laisse la fille à la burqa porter son petit barda. Un jour elle l'enlèvera. Si tu la brusques pas, elle n'a pas de kalachnikov caché au fond de ses poches. Laisse-lui donc la liberté, même si elle s'en est privée. Laisse la fille à la burqa danser sur cette terre-là. Surtout la regarde pas, où elle se cachera. C'est sûr, elle exagère. Derrière son rideau de fer, elle veut pas porter de jupe. Elle dit que ça fait trop pute. Tu sais, la fille à la burqa, elle porte du mascara. Elle aime les nez et le col, mais n'a jamais bu d'alcool. Tu sais, la fille à la burqa, elle n'obéit qu'à son papa, mais elle a pas bien lu le Coran avec ses yeux d'enfant. Laisse la fille à la burqa se couvrir de son bras. Le jour elle l'enlèvera, tu ne la reconnaîtras pas. Elle n'est même pas terroriste, encore moins une féministe. On dirait juste une belle fégore cachée derrière ses peurs. Tu sais, la fille à la burqa, elle n'aime pas les tralala. Elle regarde jamais MTV, elle boit un peu Coca-Cola. Tu sais, la fille à la burqa, elle n'obéit qu'à son papa, mais elle a pas bien lu le Coran avec ses yeux d'enfant. Laisse la fille à la burqa porter son petit barda. Un jour elle enlèvera, si tu la brusques pas. Elle n'a pas de kalachnikov caché au fond de ses poches. Laisse-lui donc la liberté, même si elle s'en est privée. Oh, laisse la fille à la burqa danser sur cette terre-là. Laisse la fille à la burqa danser sur cette terre-là. Surtout ne la regarde pas, où elle se cachera. Laisse la fille à la burqa danser sur cette terre-là.